Rescapez! Wapache! Rescapez! Cheyenne! Rescapez! Bessium! Rescapez! Iroquois! Le ciel a reçu de nous à faire cette mouvement d'homme, des larmes de compassion depuis les temps immémoriaux. Ce ciel nous paraît immuable, éternel, tout paraît peu changé. Aujourd'hui il fait beau, demain le ciel peut-être chargé de nuages. Mes paroles se volent les étoiles, ils ne changent jamais. Mes paroles se volent les étoiles, ils ne changent jamais. Rescapez! Et ça rêve, J'emmerde la politique et j'emmerde les flics. J'emmerde la justice et j'emmerde l'église. J'emmerde la répression et j'emmerde les cons. J'emmerde les fatalistes et j'emmerde les fils. J'emmerde la politique et j'emmerde les flics. J'emmerde la justice et j'emmerde l'église. J'emmerde la répression. Et je bois pour oublier. j'emmerde les sanctions, j'emmerde la corruption, et j'emmerde le racisme, j'emmerde l'adversité, et j'emmerde les prisons, j'emmerde les rescapés, et j'emmerde cette chanson. Quand je me lève, les bras mouillés, j'ai de la fièvre. La gueule de bois, mal au poids, je voudrais bien m'arrêter. Parfois j'ai rêvé une existence où il n'y aurait pas de potence. Pas de potence. Impossible de vivre ici, j'ai trop de peur, trop de phobie. Trop de phobie. Champignon couleur acier se lève dans le ciel argenté. Les gens couvrent alors tout l'idée de leur rideur skiable. J'attends la mort avec patience, enfin la délivrance, la délivrance. Je partirai le point de vue mon dénécie de liberté, la liberté. Yeah. Thank you. fasciste, la dictature progresse. Raciste, fasciste, l'humanité régresse. Raciste, fasciste, les libertés s'affaissent. Raciste, fasciste, l'humanité régresse. Raciste, fasciste, la dictature progresse. Raciste, fasciste, l'humanité régresse. Raciste, fasciste, les libertés s'affaissent. Raciste, fasciste. Aujourd'hui, hélas, rien n'a beaucoup changé. Partout autour de nous, le nazisme revient. Des groupuscules fascistes font renaître la peur. Comment ne pas haïr les images de l'horreur, de l'horreur. les graffitis sont effacés, on fait l'amour et puis la guerre. Qui veut dire tromper, à ma droite, pas de salut, je un paquet par terre. Et ouais, il est tombé de la rangée. Oh, René, t'es un salaud. Je ne supporte plus les parallèles. Je voudrais des pas à moi. Ne me parlez plus de perpendiculaires. Je préférerais les perpendiculaires. Encore s'il y avait des couleurs. Mais ici tout est gris. Même les bleus ont compris leur douleur. Rangée dans la rangée J. Je suis magasinier. Je suis magasinier. Je suis magasinier. Je suis magasinier. Je suis magasinier, je suis magasinier, je suis magasinier, je suis magasinier, je suis magasinier, je suis magasinier. Quand tu vois ça, moi, ça Merci, salut. Thank you.